Maintenant, c'est l'heure de... Devine quoi, Justine? Devine qu'est-ce que c'est? Est-ce-tu instant ou moment? Instant. Ah, oh, je note. Dis-le pas aux gens que je sais pas c'est quoi le vrai nom. OK. Instant. Instant. C'est quoi? Classique! Yeah! Voici les meilleurs moments d'assemblage Rocky pour la semaine du 7 novembre 2011. Comme là, mettons qu'on irait chercher Kiwan, mettons en Alberta, là, c'est vers la gauche, mais c'est aussi vers l'ouest. Ouais, c'est ça. Puis là, ça dépend. Si tu veux y aller en auto, t'es mieux de partir tout de suite. Pas mal, hein. Ouais. Ou par les ondes, peut-être. OK. Ou sinon, on va passer par un tunnel sensoriel. Un tunnel sensoriel. Oui, ouais, c'est comme ça, chez côté, puis c'est tout rugueux. C'est comme pour son plaisir. Hey, hey, hey! Comment réveille-toi, du bois du thé? Quoi? Ça couteau la poche! Hey, la minute, là. Quand on n'est pas dans la chronique de thé, les gens comprennent pas, là. Quand c'est dans la chronique de thé, ça ouais, va, là. Mais, OK, je m'excuse, je m'excuse. C'est... J'aurais dû l'expliquer. C'est ça, explique-la. Sors ta poche de ta tasse. OK. Oh, Mathieu Plante qui tousse. Merci. Je me suis sur ça à l'oreille. C'est beau, hein? C'est beau. C'est est-ce, que, est-ce qu'on attendait de ton bord? Je penserais pas. Ben, moi, oui. Ben, ben tu l'entends dans le studio. Ouais, même, je sais pas. Écoute, la prochaine fois que tu tousses, je vais virer mon micro, là. Ah, pour qu'on l'entende bien. Ouais. Ou je peux toujours laisser mon micro ouvert. Oh, ouais. Toujours avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Et oui. Oui. Oui, bonjour, c'est moi. Salut. Mathieu Plante. Ça va bien. Pourquoi on parle comme ça? Je sais pas. C'est pas le fun, c'est le fun. C'est le fun. C'est du fun, hein, ouais. Maria? C'est à cause des moustaches. Hey, bonjour, madame. Ah, c'est à cause des moustaches, elle l'a dit. C'est ouais. Ça. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça nous va bien quand même? Ou... Quelle question à poser. Je lise mes notes pour la chronique. Mardi dans deux semaines. Yeah, rock on! Oui, dans deux semaines. Oui. Ouais. Est-ce que tu as dit rock on pour une chronique littéraire? Ah, je trouvais que ça fitait pas. Ça fitait pas. Avant ça, à 8h, on a Myriam Fugère avec sa chronique aléatoire. Hein, à chaque semaine, un sujet des plus hétéroclites et éclectiques. Dépression saisonnière. Dépression saisonnière. Je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas non plus. Est-ce qu'il va y avoir des solutions contre ça, genre comment contrer la dépression? Je suis sûr que oui. Ah, je pense que sûrement que son truc, ça doit être genre se trouver une Myriam Fugère. Parce qu'elle est tellement lumineuse et ensoleillée! Non? Oh boy! Je sais pas quoi te dire à ça. C'est une belle déclaration, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais les pariétaires, c'est ceux qui font la chanson. Ben oui! Wow. T'en connaissais pas, hein? Hey, c'est un remix. Ta voix me fait capoter. Merci. Avec ton petit trémolement. Trémolo, je pense. Trémolo. La. Oh, ah. Que de chambé. Jeudi 10 novembre. Thursday, November 10th. Hein? Hein? C'est en anglais. C'est de l'anglais. Party demain matin? Thursday, November 10th. Ah, OK. C'est de l'anglais. Mais non, mais ça sonnait comme party demain matin. Party demain matin. Là, j'étais là, hein? De, ouais, party demain matin. On se lève tard. Oh, ouais, je peux comprendre ça. Ah oui! Mathieu, sa voix sensuelle. Hein? Non, c'est pas super. C'est ça l'avantage d'avoir un long rhume, hein? C'est que ta voix est plus sexy. C'est... Non? Wow! Même, vous l'avez pas vu, ouais, c'est ça. Puis il y avait comme le move, là, le sexe. Ah, mais c'est moi, c'est ça. Ça... Oh! L'invitation de précède, comme ils disent. Ah, hein? Exactement. Surtout avec ma moustache de français. Là, oh, mais tu sais, ta moustache fait juste, comment je pourrais dire, créer diversion. Je pense que t'allais dire chatouiller. Non, en fait, aussi. Moi là, non, là, me chatouille pas, là, mais... Pas là, non? Non, c'est ça. C'est pas ce que tu disais hier soir. Je riais. Comme toute écolière! Merci, Simon. Merci. Pas d'une main à distance, comme je dis, j'ai le rhume, hein, c'est comme ça. Tout. François, tout. Oui, OK. Bonne fête, ça. Tout. C'est notre nouveau bye-bye. On dirait les Teletubbies. Ah! Les meilleurs moments d'assemblage Rocky pour la semaine du 7 novembre 2011, Justine. Ah, je crampais Barrette, je pliais en deux, attaché avec de la broche, attaché après le micro, pendu par le plafond, par les luminaires, galarno. Wow, t'en mets beaucoup, hein? Tu tartines ça épais, un peu comme dans ta chronique. Je beurre épais, oui. Tu tartines trop, en fait, c'est plus crédible. Fait que c'est comme aussi bien dire que c'était plate à mort, la chronique, hein? C'est ça? T'aimes pas ça? Non, pas... non! Moins. Non, ta moustache a chatoué. J'adore ça. Ouais. T'as entendu que Marie-Pierre était présente à sa chronique littéraire? Oui, elle était présente. Ça veut dire, as-tu utilisé ce micro-là, là? Non, elle a utilisé celui-là à ma gauche. OK, c'est bon, c'est correct. Toi, t'es devant moi, t'es correct. Comment? Fait que ça, c'est correct. Ça, je peux parler puis le mettre dans ma bouche. Ben, ça, c'est François-Olivier qui a touché toute la semaine, donc. OK. Là, maintenant, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'autre de l'essayer maintenant. Non, mais moi, j'ai pas de bactéries. Non? J'ai pas de virus. Je suis... Quand tu n'as pas de bactéries, tu peux vraiment cracher sur le micro comme tu veux? Wow! Oui. Je savais pas ça. On apprend des choses? Mais oui. Écoutez donc Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même Mathieu Plante pour avoir d'autres moments cocasses comme ça et d'autres sûrement encore plus drôles. Mais, tu sais, ils sont pas là-dedans. Ils sont pas là-dedans? Ben non. On a fait une bonne sélection, là. Ben, c'est qu'il y en a qui font comme du contexte, ça va prendre comme 2 minutes d'extrait. Avec... Ah, ben oui! Ils sont drôles, ces moments-là, mais je peux pas les mettre, t'sais. C'est sûr. Fait que t'as mis juste les petites faciles comme ta moustache tatouée. Ben, c'est ça. La veille. Mais je suis de même, tu sais. Ben, c'est sûr. Bon, c'est ça.